Chaque jour, des millions d'hôtes accueillent des voyageurs chez eux avec Airbnb. D'ailleurs, vous aussi, vous pourriez compléter vos revenus en louant votre logement. Vous hésitez encore à vous lancer? Alors, nous avons mis en place une protection complète pour que vous puissiez accueillir des voyageurs en toute sérénité. Cette protection, c'est AirCover. Et elle vous permet d'être protégé à chaque fois que vous accueillez des voyageurs. Comme ça, votre logement et vos objets sont couverts, et vous, vous êtes tranquille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur airbnb.fr/aircover pour les hôtes. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. À l'heure où la franc-maçonnerie et les Illuminati vont faire la une des marronniers de l'été, un musée consacre une grande exposition à une sorte de secte peut-être secrète, tout au moins discrète, mais assurément initiatique, objet de surcroît d'un iconoclasme ayant disparu au cours de l'Antiquité tardive. Il faut dire que le dieu Mithra incarne à lui seul ce que l'on appelle les religions à mystère. Son histoire, son cheminement d'Orient vers l'Occident, sa disparition soudaine, constituent à eux seuls un vrai sujet à part entière. Faut-il rajouter que l'archéologie préventive apporte depuis peu des éléments matériels capitaux, avec la découverte de plusieurs temples, le plus souvent cachés sous terre, les fameux Mithréa, et nous autorise ainsi, nous pauvres profanes, à pénétrer au cœur même de ces sanctuaires les plus consacrés, les plus interdits. Parce que le musée Saint-Raymond, grand musée d'archéologie de Toulouse, ouvre son exposition, le mystère Mithra plongé au cœur d'un culte romain. Ce soir, deux invités dans le magazine d'archéologie de France Culture viennent nous raconter l'histoire de cet étonnant culte. Margot Bécas, Pascal Capus, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en duplex des studios de France Bleu Occitanie. Margot Bécas, vous êtes conservatrice du patrimoine, Pascal Capus, attaché de conservation, et tous deux œuvrés au musée Saint-Raymond et donc à l'exposition Mithra. Margot Bécas, Mithra, une secte? Sûrement pas, car il s'agit bien d'une religion. Alors, on a coutume de désigner le culte de Mithra comme un culte à mystère. La catégorie des cultes à mystère, c'est une catégorie qui existe déjà dans l'Antiquité, qui a été plus ou moins construite par des auteurs chrétiens à partir du IIe siècle, et qui sert à regrouper tout un ensemble de cultes qui sont rendus à des divinités pour certaines exotiques, orientales, comme Mithra. Et c'est une catégorie qui, à partir du XIXe siècle, va être utilisée par l'historiographie pour désigner effectivement des cultes qui comportent un caractère supposé initiatique et qui permettraient d'accéder à un savoir philosophique, à un savoir secret. Pascal Capus, Franz Cumont donc a beaucoup écrit sur cette religion à mystère, je dirais quelque chose déjà de très ancien, qui est un peu dépassé. Oui, alors Franz Cumont, c'est un grand chercheur belge, effectivement, qui a travaillé sur Mithra beaucoup à la fin du 19e siècle et qui poursuivra ses travaux durant encore quelques décennies au 20e siècle. Et Franz Cumont, on peut dire qu'il a comme figé une idée, en fait, canonisé l'appellation mystère de Mithra. En fait, il faut savoir que jusqu'au milieu du 19e siècle, on ne parle pas vraiment de mystère, on parle donc de culte à Mithra, et c'est à partir de 1847 exactement avec Félix Lajar qu'on emploie donc pour la première fois cette expression qui sera reprise donc par Franz Cumont et qui finalement à travers cette expression cristallise tout un aspect un peu légendaire et qui se veut également très spirituel. Alors du coup, j'en reviens à ma première question, un culte peut-il faire une religion? Est-ce que Mithra est une religion? on privilégie effectivement l'appellation de culte, on revient un peu à l'avant Lajar et l'avant Cumon, parce que ce culte fait partie donc d'un système, le système polythéiste. Il est un parmi beaucoup, et les dévots de Mithra, bon, ce sont des individus qui, bien plus que pratiquer une religion, sont surtout liés en fait à un culte bien particulier. Voilà, les dévots, en fait, ils s'appellent, pour si on revient au texte et à la terminologie latine, eux-mêmes s'appellent des sacrati, ce qui voudrait dire donc des consacrés ou des initiés, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est à partir de là que Cumon, et Lajar d'ailleurs en premier lieu, se sont permis donc de préciser qu'il s'agissait de culte à mystère, puisqu'il s'agit d'initiation. Comme beaucoup de religions, et de vraies religions, présentes ou passées, le culte de Mithra trouve ses origines entre Proche et Moyen-Orient. On évoque alors souvent le panthéon iranien antique, Margot Bécasse. Alors, effectivement, Mithra est un dieu d'origine orientale que l'on rattache aux populations iraniennes et de l'Inde ancienne en particulier. Son nom apparaît pour la première fois par écrit dans un traité d'alliance daté du milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. En fait, Mithra y est cité parmi d'autres divinités du panthéon indo-arien, avec Varuna, Indra notamment. Dans les textes sacrés de l'Inde ancienne, le Rig Veda, mais également dans l'Avesta, hein, le livre sacré des populations iraniennes anciennes, on nous donne des éléments de définition sur ce personnage qui est Mithra. Et donc, il faut savoir que le dieu est bien d'origine orientale, mais le culte qui se développe dans l'Empire romain à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ est un culte romanisé, dans le sens où il intègre sans doute des concepts d'origine orientale et cette divinité exotique, mais c'est un culte qui va devenir romain à part entière. Oui, et la mention donc du texte que vous évoquiez du deuxième millénaire est en fait un traité d'alliance proche-orientale daté du 14e siècle avant notre ère, entre donc un roi hittite et un autre roi du Haut-Euphrate. Très belle tablette conservée d'ailleurs au musée de Berlin et qui est présentée dans votre grand catalogue. Il nous faut aussi alors mentionner l'Avesta, vous commenciez à en parler, le livre sacré du zoroastrisme qui évoque Mithra. En persan, le mot de Mithra signifie contrat. Pourquoi donc, Margot ? Alors tout à fait, Mithra est sans doute à l'origine considéré comme une incarnation de la notion de contrat, de la notion d'alliance. Et dans les textes iraniens, Mithra est présenté comme un dieu qui est créé par Ahura Mazda, le grand dieu, le dieu qui préside à la création de l'univers. Et Mithra, dans un hymne qui lui est consacré, le Myriasht, est présenté comme le dieu qui est garant des alliances, des contrats passés entre les hommes et les dieux, et des contrats passés dans la sphère sociale. C'est celui qui fait respecter la parole des individus et qui châtie ceux qui trahissent. Ils trahissent donc les initiés, bien sûr, j'imagine. Dans le contexte oriental, on ne peut pas clairement évoquer le cadre initiatique, mais sans doute l'introduction de Mithra dans le polythéisme romain, effectivement, cette notion de contrat est mise en lien avec l'initiation. Alors justement, Pascal Capus, que peut-on dire sur le mithraïsme qui semble vraiment une religion initiatique? Alors oui, donc... qu'est-ce que l'on en sait? Le mithraïsme, comme on le précisait tout à l'heure, c'est un culte donc dit à mystère parce qu'il y aurait initiation, donc il y a une notion de transcendance, il y a une notion surtout de passage, d'un passage d'un état psychologique à un autre, et dans le cadre des mithraïums, dans le cadre de ces sanctuaires, on ne sait pas véritablement ce qu'il s'y passait, mais on peut imaginer effectivement toute une série, alors on l'a imaginé en tout cas, toute une série de rites. Alors ces rites initiatiques, comme ils nous sont inconnus et qu'on ne peut que les percevoir très difficilement à travers le brouillard en tout cas des quelques indices que nous possédons, ils ont néanmoins été parfois remis en question, mais en tout cas, il y en a un rite qui est fondamental, qui est le repas pris en commun. Et puis, le deuxième point concernant ces initiations s'exprime à travers notamment sept étapes. Ces sept étapes, les ramener à des mythes, notamment ancestraux orientaux, tels la descente d'Ishtar dans les enfers qui cherchait à rejoindre sa sœur. Et ces sept étapes correspondraient, Alors je dis bien, donc correspondrait à ces, aux 7 degrés dont nous parle le père de l'Église Jérôme et qui sont concrétisés dans une mosaïque, dans un mitréum d'hostie, le mitréum de Felicissimus, où effectivement nous retrouvons donc ces 7 degrés qui paraissent correspondre à des étapes bien précises. Alors nous avons donc le corbeau, le fiancé, le soldat, le lion, le perse, l'héliodrome et enfin le pater qui est apparemment le degré maximal. Il y a aussi des fresques qui pourraient reproduire donc des scènes d'initiation. Alors oui, nous avons des fresques notamment dans un mitréum de Rome à Santa Prisca, mais nous avons également des indices sur des peintures de Doura Europos en Syrie. Donc ce sont effectivement quelques pistes, quelques indices, mais le problème c'est que l'épigraphie de manière globale dans l'Empire romain semble ne pas exprimer un panel aussi large de grades puisque les fameux adeptes donc du culte à Mitra sont majoritairement dans l'épigraphie d'abord des paters, donc le grade maximal et qui doit correspondre à des grands organisateurs du culte, grands prêtres donc des cellules, des chapelles. Et puis on retrouve des lions, effectivement, très peu de corax, un seul héliodrome, donc on voit bien que ces grades qui semblent figés dans le fameux extrait donc de Jérôme et qui semblent concrétisés iconographiquement par la mosaïque de Felicissimus ne sont peut-être pas une évidence. Margot Bécasse, comment décrire le dieu? Il a un visage imberbe, il est juvénile? Alors tout à fait, Mitra est représenté sous les traits qui sont traditionnellement ceux qu'on emploie pour représenter la figure de l'oriental. C'est donc un dieu qui est effectivement imberbe, il porte une chevelure abondante, bouclée, il est vêtu d'un pantalon resserré aux chevilles, d'une tunique longue et d'un bonnet phrygien. Autant d'accessoires qui renvoient à une iconographie qui est elle-même d'origine orientale, puisque c'est sous ces traits que se présente Mitra, par exemple, dans les représentations du Nemrut Dag, qui sont datées du 1er siècle avant Jésus-Christ, et ces éléments vont servir à représenter le Mitra qui sera vénéré dans l'Empire romain. Mais c'est une iconographie qu'on utilise également pour des personnages comme Attis, autre divinité d'origine orientale, ou également les porteurs de torches, les acolytes de Mitra. Autant d'éléments qui permettent de cultiver cette image exotique qui va sans doute servir de moteur au succès du culte dans l'Empire. Pascal Capus, quelle est la plus belle représentation que vous exposez dans votre grande exposition de Toulouse ? Alors ça, je ne sais pas, parce que les représentations, l'iconographie est effectivement récurrente, elle est toujours à peu près la même. On retrouve Mitra, le taureau, le chien, le scorpion, le serpent, les dadophores dont vient de parler, les porteurs de torches dont vient de parler Margot. Mais ce qui est intéressant dans une exposition comme celle-là, tout d'abord, c'est la première fois qu'une exposition, que ce soit à Marimont, Toulouse ou Francfort, c'est la première fois qu'une exposition présente autant d'œuvres et consacrées à Mitra dans son intégralité. Les œuvres témoignent donc d'ateliers extrêmement diversifiés. On fait un tour de l'Empire finalement des ateliers de sculpteurs à travers cette exposition, mais bon, pour je pense que le public retiendra une magnifique tauroctonie de Cordoue, une autre qui vient de Saïda, de Sidon au Liban et qui est conservée au musée du Louvre. De même donc toujours de Sidon, une tauroctonie en rond de bosse. On a là des œuvres qui sont plastiquement très classique, on va dire de type gréco-romain, mais nous avons aussi des œuvres beaucoup plus atypiques, par exemple une œuvre qui vient de Cluj-Napoca, donc du musée de Transylvanie, qui nous présente une tauroctonie beaucoup plus, alors dirions-nous, qui semble plus naïve, et cette naïveté est relativement émouvante, parce qu'on y voit un travail d'artisan plutôt que de grand sculpteur. Donc voilà, un panel quand même très très large d'un point de vue esthétique et formel dans cette exposition. Vous avez lâché le mot tauroctonie, bien sûr. Mitra est intimement lié au taureau, qui va subir un mauvais sort. Alors oui, la tauroctonie, c'est donc l'épisode central de ce qu'on appelle le mythe de Mitra. Un mythe qui nous est connu exclusivement par des images, puisque nous n'avons à ce jour aucun texte qui nous raconte ce qu'est l'histoire de Mitra. Et donc le sacrifice du taureau, épisode central du mythe, se retrouve systématiquement dans les sanctuaires dédiés à Mitra. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'image de la tauroctonie ? On voit donc Mitra poignardant le taureau et au sang du taureau viennent s'abreuver des animaux, donc un serpent, un chien. On note également toujours la présence d'un scorpion qui vient pincer le taureau au testicule. Donc c'est une image très stéréotypée pour laquelle on a proposé plusieurs interprétations. Franz Cumon, au XIXe siècle, a proposé d'y voir la représentation d'un événement mythique, un événement qui a eu lieu dans un passé, dans le passé du temps mythique, et un événement qui aurait permis de conduire à la régénération du monde. Mitra par le sacrifice du taureau, par le sang de l'animal versé dans la terre, fertilise le sol et de cette fertilisation renaît la nature. Une autre interprétation parfois proposée consiste à y voir une représentation codée, une représentation symbolique du ciel, d'une carte du ciel avec des animaux qui font référence aux constellations notamment. Margot Bécas, toujours, vous me parlez du taureau, mais il y a toujours des représentations de deux personnages autour de Mitra. Qui sont-ils? Ce qu'on appelle les dadophores. Oui, tout à fait. Kaotès et Kaotopates, les dadophores, les porteurs de torches, sont très présents dans l'iconographie. Ils assistent souvent aux différents épisodes du mythe et ils ressemblent essentiellement à Mitra. Ils sont représentés avec les mêmes traits juveniles, vêtus également à l'oriental. Dans certaines scènes, on les voit munis d'un bâton de berger, le pédoum, et pour cette raison, on imagine qu'à l'origine, ces deux personnages sont deux jeunes bergers. Et la plupart du temps, ils sont cependant représentés munis d'une torche, c'est pourquoi on les appelle les dadophores, avec une petite distinction, puisque Kaotès est représenté avec la torche levée et Kaotopates avec la torche abaissée. Là aussi, on a proposé plusieurs interprétations à ces représentations iconographiques et certains voient une représentation symbolique du soleil couchant et du soleil ascendant, puisque dans le contexte du culte mithriaque, nous sommes face à une symbolique cosmologique très forte qui se manifeste également par la présence dans les images des signes astrologiques et des personnifications du soleil et de la lune, Sol et Luna. Il faut rajouter que la grotte est absolument capitale aussi, bien sûr. En général, tout se pratique dans des grottes ou des endroits cachés, excavés. Pourquoi s'intéresser à ce dieu oriental et oublié de tous? Peut-être aussi parce que l'archéologie le fait apparaître totalement sous un jour nouveau. En 2010, j'étais sur le terrain, sur le chantier d'Angers, non loin de la gare. Les archéologues de l'INRAC s'activaient et j'avais alors rencontré Jean Brodeur. On l'écoute. Alors effectivement, on a eu la chance sur ce site de tomber sur une cave. Au départ, on a interprété ça, à juste titre d'ailleurs, comme étant une cave d'une des grandes demeures. Et il s'est avéré que cette cave a profité d'une installation autre liée à un lieu de culte. Donc on a pu mettre en évidence dans cette cave l'utilisation opportuniste de cette cave pour installer un mitraum, c'est-à-dire un lieu de culte voué au dieu Mitra. Il est où sur votre fouille? Il est donc légèrement de ce côté-là, c'est ça? Alors il est compris en fait dans la deuxième unité d'habitation de type domus et il occupe un quart de la surface actuelle fouillée du site. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'espace? Donc quelque chose de rectangulaire d'abord, deux murs et au fond éventuellement la sculpture ou le bas-relief aurait pu être installé à cet endroit. Alors sur Angers, on a la chance, contrairement à d'autres mitraées, d'avoir un premier podium avec sur le côté des marches qui étaient destinées fort probablement à l'accès exclusif du ou des prêtres de Mitra, et un autre podium qui est installé sur ce premier et qui supporte à son tour en fait l'image de Mitra, le bas-relief de représentant Mitra égorgeant le taureau. Et ce qui est aussi exceptionnel sur Angers, c'est qu'on a eu l'occasion dans la fouille de cette partie finalement rectangulaire de mettre en évidence la tête du dieu, coiffé de son bonnet phrygien, peint en rouge, dont la face a été volontairement martelée. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Margot Bécas, vous évoquez bien entendu le sanctuaire d'Angers dans votre exposition de Toulouse, notamment au travers de son beau mobilier. Oui, tout à fait. Nous exposons une dizaine de pièces qui ont été découvertes au cours des fouilles du mitraeum d'Angers en 2010, comme nous l'avons appris par cet extrait. Ces pièces sont extrêmement intéressantes parce que elles nous apportent des renseignements fondamentaux sur l'identité des adeptes. Nous avons des inscriptions extrêmement intéressantes, une plaque votive votive et un gobelet inscrit dédié par des adeptes de Mitra Angers. Ces objets nous apportent également des informations sur les rites, avec un vase à libation qui représente un cervidé, un vase représentant un singe d'origine tout à fait exotique, assez original. Et ces objets, découverts au cours des fouilles archéologiques, nous apportent des renseignements extrêmement précis qui ont fait défaut pendant très longtemps aux chercheurs pour permettre de restituer les séquences rituelles. Lors de ce voyage à Angers, voici 12 ans, j'étais avec Christian Goudineau, professeur au Collège de France. On l'écoute avec un grand plaisir et bien sûr aussi pour lui rendre hommage. Christian Goudineau, vous êtes rendu sur le terrain donc à Angers. Quel est votre sentiment sur cette découverte d'un sanctuaire dédié à Mitra ? Eh bien écoutez, c'est tout à fait extraordinaire. Dans la mesure où pour tout l'ouest de la France, jusqu'à présent, on ne connaissait que celui de Bordeaux. Et que la plupart des mitréas sont monopolisés par les militaires, en quelque sorte, sur les frontières du Rhin, sur le Danube. Alors pourquoi un mitréum ici ? Un des fouilleurs vient de nous expliquer qu'il avait repéré ces dernières années beaucoup de traces d'objets ayant appartenu à des militaires. Alors est-ce que c'est une petite garnison à certains moments, ou est-ce que c'est des militaires qui sont rentrés avec une partie de leur équipement ? Toujours est-il que ce lien entre Mitra et les militaires, qui est le plus fort et de très loin, eh bien, une nouvelle fois, se trouve présent dans l'Ouest, ce qui est très rare. Donc l'introduction du mitraïsme en Gaule et dans l'Empire, ce serait bien déroulée par des militaires ? Oh, très vraisemblablement. En tout cas, c'est la théorie la plus répandue et aussi on voit bien par les rares dédicaces que nous pouvons avoir des gens qui ont occupé des fonctions militaires. Ce qui n'exclut pas éventuellement des fonctions civiles. N'oublions pas qu'un culte comme celui de Mitra n'est pas du tout en rivalité avec la religion, qui est la religion romaine habituelle. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est de respecter Rome et l'empereur. Mais ce qu'ils font à côté, c'est pas le problème. Justement, ça c'est une curiosité. On aurait donc ici plutôt un sanctuaire d'ordre individuel plutôt qu'un sanctuaire officiel de toute manière ? Oui. Il n'y a pas véritablement de sanctuaire officiel, dira-t-on, de Mitra. Ce sont des petits groupes avec toute une hiérarchie à l'intérieur de ce groupe, puisqu'il y a plusieurs niveaux d'initiation, on connaît les noms. Il y a tout un rituel qui est le rituel de la grotte originaire du Mitra. Donc on se réunit généralement dans une cave voûtée. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très prégnant. Mais malheureusement, on a fort peu de renseignements sur ce qui se déroule réellement, puisque les rares textes que nous possédons, qui sont des textes de la fin de l'Antiquité, ont été écrits généralement par des chrétiens qui, eux, considéraient Mitra et son culte qui subsistait en dépit des interdictions, comme le symbole même du mal. Est-ce que l'on doit penser que dans chaque ville moyenne de la Gaule, on aurait eu ce genre de sanctuaire ? C'est difficile à dire, puisque pour l'instant, on n'en connaît que deux à l'ouest. C'est Bordeaux qui a été trouvé il y a une trentaine d'années, ou une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Et d'autre part, celui-ci. Mais comme vous avez pu voir vous-même, ça prend peu de place. Et donc, il faut avoir, on dira, une certaine chance pour tomber sur ce genre de vestiges. D'autant que, en l'occurrence ici, on est presque à la limite extérieure de la ville. Et bon, c'est l'avantage de l'archéologie de sauvetage de nous donner ce genre de trouvailles. Est-ce qu'on en trouvera d'autres ? Je serais bien incapable de vous le dire. Mais ça risque de rester pendant longtemps des exceptions plutôt qu'une règle. Depuis la découverte d'Angers, un autre mitraum a été découvert, cette fois-ci en Corse, à Mariana. L'archéologue avait tout d'abord pensé à un dock de bateau, les deux banquettes accueillant les bordées et une sorte de ruisseau coulant en son milieu. Il a vite, bien sûr, changé d'idée et de théorie à la vue du mobilier. L'eau semble jouer un rôle absolument très important dans la liturgie, Pascal Capus. Alors oui, l'eau joue un rôle même fondamental parce que à l'origine du mythe, il y a l'épisode de Mithra qui, après être né d'une roche, décoche une flèche contre une autre roche et de l'eau coule, qui vient donc féconder la terre, en tout cas, elle vient irriguer la terre désolée. Le miracle de l'eau, entre guillemets, pour miracle, mais est un épisode qui va être symbolisé dans le Mithraeum à travers tout un tas d'objets et une iconographie qui tourne beaucoup autour du cratère. Et l'eau, elle est prégnante dans ces sanctuaires parce que je repense bien sûr à la fouille de Marie-Agnès Guédon-Bunuel qui, en 1984, fouillait le sanctuaire de Septeuil près de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Elle fouillera d'ailleurs en 1986, Christian Goudineau le mentionnait, elle fouillera Bordeaux. Et à Septeuil, une nymphe des eaux qui a été intégrée au culte de Mithra. Et cette eau, elle est permanente et elle est récurrente. Elle fera naître aussi bien des débats chez les auteurs chrétiens qui tenteront bien sûr de privilégier l'eau du baptême chrétien en jetant l'opprobre sur l'eau dite cathartique mithriaque. Le musée de Saint-Raymond entreprend un parcours initiatique intitulé Mystérieux Mithra. Faut-il que je sois militaire romain pour adhérer à cette religion, par exemple? Et Margot Becker, en tant que femme au sein de l'Empire romain, vous auriez eu accès à ce culte? Vous pourriez devenir une adepte de Mithra? Alors, vous avez raison de poser la question, parce que l'un des problèmes fondamentaux actuels et encore non résolus, c'est celui de l'intégration des femmes dans le culte mithriaque. Alors, il faut dire qu'à ce jour, sur les inscriptions mithriaques que nous possédons, c'est-à-dire un peu plus d'un millier, nous n'avons pas le nom d'une adepte femme qui aurait donc dédié un monument à Mithra. À l'exception, je pense, à une inscription en particulier qui provient de Rome et qui nous donne peut-être le nom d'une adepte, mais on ne sait pas très bien si elle a dédié cette inscription au dieu pour elle-même ou peut-être pour son mari qui aurait pu être adepte. Évidemment, donc l'absence des femmes pose question. Un texte de Porphyre, donc philosophe néoplatonicien de la fin du IIIe siècle, mentionne des adeptes qu'il désigne sous le nom de Lyonès ou Hyène, une interprétation du texte qui est d'ailleurs soumise à certaines questions, on n'est pas tout à fait sûr de la traduction, et il pourrait désigner des adeptes féminins de Mithra sans qu'on puisse affirmer l'existence de ce grade particulier qui serait réservé aux femmes. Quoi qu'il en soit, l'absence de noms féminins en lien avec le culte de Mithra ne signifie pas nécessairement une interdiction. Je pense qu'en l'état actuel de la recherche, il est trop tôt pour se prononcer. Il ne faut pas oublier que l'épigraphie ne représente qu'une toute petite partie des adeptes en réalité de Mithra dans l'Antiquité. Et il est tout à fait possible également que l'épigraphie ne permette pas d'appréhender certaines fonctions que les femmes auraient pu exercer dans le cadre du culte. Et pour répondre à votre première question, non, je n'ai pas besoin d'être un légionnaire ou un militaire pour être adepte du culte de Mithra, puisque en fait, seuls 11 à 20% des inscriptions sont liées à des militaires. On se rend compte combien la science archéologique nous a fait faire un bond considérable en avant. On voit bien que la classe, entre guillemets, moyenne, qui caractérise donc le culte à Mithra, est notamment constituée de fonctionnaires d'État, fonctionnaires des douanes, des esclaves des affranchis, en fait des artisans et des personnes qui appartenaient ou qui dépendaient d'associations de quartier. Pascal Capus, évoquons bien sûr le crépuscule du dieu. Mithra est un concurrent direct du christianisme. Il sera éradiqué malgré ses pratiques quasi clandestines? Oui, alors le culte disparaît comme bien d'autres cultes, pas plus ni moins que d'autres cultes qui caractérisaient le système du polythéisme romain. Nous avons évoqué les auteurs chrétiens qui effectivement ont vu dans le culte de Mithra, ou en tout cas qui ont tenté de justifier bien sûr les sacrements chrétiens au détriment des rites initiatiques mithriaque, mais finalement pas plus que ce qu'ils avaient écrit à l'encontre de l'orphisme, du dionysisme, de tous ces rites qui ont posé problème. Et puis rappelons peut-être en conclusion que le dieu romain Mithra se trouve au cœur de cultes qui sont loin d'avoir encore livré tous leurs secrets. À voir donc au musée Saint-Raymond de Toulouse l'exposition Le mystère Mithra. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadja, à la technique Eric Villenfin et bien sûr